Des retours dans ma vie, je vais troquer l'amour. Mais trop des jaloux, ils veulent tous m'estomper. Je suis toujours posé, mon rap opposé au putain des PD qui traînent dans bord du quartier. Tu peux pas me tester, tu peux juste me détester. Tu sais bien, c'est toi qui style l'homme intouchable. Venant du ghetto style, ils veulent tous me doper. Mais je suis dans une chose qu'on fait. Tu veux du rap hardcore, et rap hardcore, et des zik. Enchaînement, boum boum, tu ramasses 3 kicks. Tu veux du rap hardcore, rap hardcore, des zik. Enchaînement, boum boum, tu ramasses 3 kicks. Voici le son des prédateurs, 10-50, c'est le secteur. Accompagné de mon alcoolique, Doggy Style sur le beat. Moi, j'ai pas peur de toi. Pour me battre, il te faudra une armée de malades. J'ai pas besoin de toi pour réussir dans ma vie. Tu serais là, j'aurais que des soucis. J'ai pas besoin de ça, j'ai ce qu'il me faut. Un père, une mère et le reste, j'emmerde. Je sais que tu voudras me recopier, mais t'auras pas le temps, je t'aurais déjà tué. Ici c'est de l'impro, je sais que je suis pas un pro, je l'avoue, mais bientôt j'en serai un. Professionnel dans mon métier, pas dans le rap mais dans le foot quoi. De préférence au Benfica, c'est là que je voudrais améliorer mes capacités. Et un jour pouvoir dire à tout le monde que j'ai réussi. Tu veux du rap hardcore, rap hardcore, plein de zik. Enchaînement, boum boum, tu ramasses 3 kicks. Tu veux du rap hardcore, rap hardcore, plein de zik. Enchaînement, boum boum, tu ramasses 3 kicks. Voici le son des prédateurs, 10-50, c'est le secteur. Voici mon alcoolique, Astila, sur le pire. De retour dans le game, j'suis rentré sans blême. Dans le rap indemne, ouais mon style en jette. Parle pas de mes textes, j'vais te faire ta fête. Tu veux du rap hardcore, écoute mes putains de musique. Enchaînement, boum, boum, tu ramasses 3 kicks. Tu veux du rap hardcore, écoute mes putains de musique. Enchaînement, boum, boum, tu ramasses 3 kicks. Ouais, ouais, tu ramasses 3 kicks. C'est DTI, phénomène, Doggy Style, ouais. Ghetto Style, R2O, R2O, phénomène, phénomène.